Autre mission de la courte échelle, si vous l'acceptez. Autre mission de la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patarata, mon pote. Entrez, messieurs, dames, vous arrivez juste à point pour découvrir les artistes indépendants qui seront cette semaine dans la courte échelle et qui vont vous proposer leurs nouveautés. Alors, on va commencer par un groupe qui s'appelle Dub Silence. Depuis ses débuts, il y a plus de 6 ans, Dub Silence, groupe originaire de Haute-Savoie, évite consciencieusement toutes les cases où l'on serait tenté de le ranger. Après un premier album qui avait pour titre Anomalie, sorti en 2019, et un EP de morceaux réarrangés Octavox Live Session sorti début 2021, Dub Silence sort de son chapeau Yggdrasil, un nouvel opus instrumental dub. Notez que celui-ci est en téléchargement gratuit sur leur site. Voici un extrait de cet opus, ça s'appelle La cabane en bambou. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Steph Teff et Éjecté est une aventure qui a fêté ses 30 années d'existence en 2018. Le groupe a été formé au printemps 88 sous le nom Les Éjectés. Ils se lancent alors et sillonnent les routes. Ils publient aussi leur premier album en 1990. Dès lors, Steph et Les Éjectés commencent à s'exporter hors de France, dans des pays par exemple comme l'Espagne, l'Europe de l'Est, le Canada, les États-Unis ou l'Afrique. Les voici avec Rocksteady. Rocksteady. rocksteady. Tonight I got a chance to meet you, baby. Jamais je ne m'ennuie avec la rocksteady. Je l'écoute jour et nuit. La courte échelle. Alors il est vrai que la chanson italienne n'est pas la plus représentée dans la courte échelle régulièrement. Et bien, l'oubli va être réparé avec Nicky Orlando que voici et Mio Amor. Sono tanti mesi che non mi scrive più. Sono tanti mesi che non lo vedo più. Il tempo passa in fretta, lui avrà dimenticato. In fondo nel mio cuore io l'ho desiderato. Il mio amore è stato solamente un sogno. L'ho vissuto quando ero insieme a lui. Cose belle da dimenticare, tante cose belle, ma non posso stare lontano dai suoi occhi. C'è tristezza nel mio cuore. Sapessi quanto male mi fa questo dolore. Il mio amore è stato solamente un sogno. Quando ero insieme a lui e non vorrei più svegliarmi per tradirlo. Non saprei cosa fare, morirei. Non non c'è più nessuno, sono tutti via, rifugi mi dovrò, non è colpa mia. Mi sento così sola, triste, abbandonata, devo andare avanti, ritrovare la mia strada. Il mio amore è stato solamente un sogno, l'ho vissuto quando ero insieme a lui, e non vorrei più svegliarmi per tradirlo, non saprei. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Nouveauté La Courte Échelle, voici Eddie Bertie avec Dobé Graoué et T'aimer. La sauté bila bison a bisoé. Mouabangani wagia. La sauté bila bison a bisoé. Le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Génial au Japon est le projet de Blandine Pace et d'Emeline Marceau, formé début 2016 et intégré au collectif du FENEC qui réunit plusieurs artistes de la scène bordelaise. Génial au Japon, les voici avec Anna. Échelle. Chaque semaine dans votre radio, La Courte Échelle. Direction le Canada avec un garçon qui s'appelle Danny Carpentier, sur des airs rappelant à la fois les musiques traditionnelles du pays et les rythmes africains. Il interpelle à la fois les acteurs politiques, mais également l'ensemble des Québécois à se donner une nouvelle vision de la province. C'est quelque peu revendicatif, bien évidemment. Voici Où va mon Québec, Danny Carpentier. Québec, je je ne sais guère. Arrivé il y a à peine 30 ans, je connais pas la tête de ces ministères. On n'a pas les mêmes valeurs en dedans. Je voudrais donc qu'ils soient sincères quant à l'avenir de nos enfants. Mais tout ça reste un mystère derrière les portes du Parlement. Pour mon Québec, je ne sais guère. Arrivé il y a à peine 30 ans, je connais pas la tête de ces ministères. On n'a pas les mêmes valeurs en dedans. Je voudrais donc qu'ils soient sincères quant à l'avenir de nos enfants. Mais tout ça reste un mystère derrière les portes du Parlement. Vas-y, achète la paix, paye le prix de ta liberté. T'es bien mieux de pas parler. Les chiolus sont pas invités. T'es devenu quoi dans ton trou, trou, trou? Tu sens normal de te voiler de la vérité. T'étais certain que la paix dans le silence. Lance tes idées pour qu'on s'entende. Tendre l'oreille, ça va pas dire se plier. Lier nos routes pour être ensemble. Il me semble que de se parler, c'est humain. Maintes fois, j'ai essayé de comprendre. Prendre tout le monde avec la même confiance, mais. Mesdames, messieurs, représentants, dites-moi, vous portez la parole de qui? Ça donne l'impression que vous faites semblant. Comme c'est produit en épicerie. Une image bien orchestrée pour miroiter une vérité. Pour moi c'est juste un mensonge. Et vous nous en dites que la moitié. Ton c'est pas nous fait du mal. C'est sournois mais c'est réel. Une poignée dans le dos. Fais-tu confiance aux nouvelles? Je vis pas la tête dans le sable. Je veux juste qu'on se donne une chance. Un sens qui sache qu'on est vivant et brave. Un espace de dialogue, un partage de paroles. Nos opinions sont pas les mêmes. Mais au moins on se rapproche comme personne, comme humain. Peut-être oser y croire. Qu'on se donne la main, la chance, l'espoir. La démocratie est un dialogue de sourds. Ils disent nous écouter, mais au fond ils sont où? Aujourd'hui amer, demain j'aurai des doutes. Je sais que quelque part la solution est en nous. Désabuser, ouais, notre pouvoir. Si toi t'es amusé, dis-moi ce qui te donne espoir. Peut-être qu'à plusieurs, on réécrira l'histoire. Ou juste une page, j'aurais fait mon devoir. Ouvre mon Québec, je ne sais guère. Arrivé il y a à peine 30 ans, je connais pas la tête de ces ministères. On n'a pas les mêmes valeurs en dedans. Je voudrais donc qu'ils soient sincères quant à l'avenir de nos enfants. Mais tout ça reste un mystère derrière les portes du Parlement. Ouvre mon Québec, je ne sais guère. Arrivé il y a à peine 30 ans, je connais pas la tête de ces ministères. On n'a pas les mêmes valeurs en dedans. Je voudrais donc qu'ils soient sincères quant à l'avenir de nos enfants, mais tout ça reste un mystère derrière les portes du Parlement. J'vis dans un pays qui cherche, qui se trouve que dans l'argent. Pourtant, le passé est riche, mais on préfère écrire l'avenir. Mais ignore les chemins faisants. On est des coureurs des bois qui ignorent le grand chef. On préfère faire à notre tête comme si on était né hier. Comme si on pouvait en attendant faire semblant d'être éternel. Faible et rampant pour des scènes. On vaut mieux que ce qu'ils proposent. On vaut mieux que les yeux de la reine. On aime mieux repartir à zéro. Faudrait rencontrer l'ancêtre qui lui s'est battu comme un héros. Qu'on puisse se promettre de se croire tous égaux. Oui, Joseph Papineau. Ouvre mon Québec, je ne sais guère. Arrivé il y a à peine 30 ans, je connais pas la tête de ces ministères. On n'a pas les mêmes valeurs en dedans. Je voudrais donc qu'ils soient sincères quant à l'avenir de nos enfants. Mais tout ça reste un mystère derrière les portes du Parlement. Ouvre mon Québec, je ne sais guère. Arrivé il y a à peine 30 ans, je connais pas la tête de ces ministères. On n'a pas les mêmes valeurs en dedans. Je voudrais donc qu'ils soient sincères quant à l'avenir de nos enfants. Mais tout ça reste un mystère derrière les portes du Parlement. Courte échelle. Chaz est arrivé à Paris il y a une dizaine d'années avec une influence musicale héritée de ses parents. Sa musique mélange une touche de jazz funk avec des éléments modernes et rend hommage à plusieurs générations d'influences électroniques. Le voici avec Rita. I can't breathe. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Retour à la chanson française à présent avec un garçon que vous avez déjà entendu dans La Courte Échelle. Il s'appelle Pierre Hassen. Le voici avec Je pars au soleil. Quelle bonne idée. Je connais un endroit pas très loin de mon ghetto. Je passe le plus clair de mon temps à en rêver tout haut. Il symbolise pour moi la luminosité. Oh, je voudrais bien partir, j'attends juste le bon moment. Que la chance daigne sourire, j'économise pour l'avion. Et puis que tu veuilles bien de moi, que tu m'acceptes chez toi. Je pars au soleil, au pays ma merveille. Au soleil, je pars au soleil, je m'en vais au septième ciel. Au soleil. Je connais déjà par cœur toutes les règles du jeu. Laisse-moi juste de quoi pouvoir espérer un peu. Comme tu le dis toi et moi, on s'en remet à Dieu. Je serai discret, je te promets de ménager tes humeurs. J'attendrai sagement que s'harmonisent nos couleurs. Et puis tu veuilles bien de moi, que tu m'acceptes chez toi. Je pars au soleil. Au soleil. Au pays ma merveille, au soleil, je pars au soleil, retrouver ma merveille, au soleil. De ton quartier, est-ce que je délire un peu? Est-ce la réalité? Passe-moi très fort, yeah, yeah. Et si j'ai mal, c'est sans regret. Pour cet instant béni, j'ai largué tout ce qui est trop lourd. Frisé la folie, sauvé par l'ange de l'amour. Pour que tu m'acceptes chez toi, que tu veuilles bien de moi. Je pars au soleil, au pays de ma merveille. Au soleil, je pars au soleil. Au soleil, je m'en vais au septième ciel. Au soleil, je pars au soleil, au pays de ma merveille. Au soleil, je m'en vais au septième ciel. Au soleil. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Nous voici à nouveau au Québec avec Kéo, une nouvelle artiste. Elle nous livre Pizza Froide, et oui, le premier extrait audio de son EP qui a été lancé le 19 novembre dernier. Une pièce légère et humoristique qui nous invite à prendre une pause dans nos vies, à ralentir dans cette course folle vers la réussite et le bonheur. Une petite bouchée de pizza froide, coiffée de mes cheveux crades. J'ai réussi à me rouler hors du lit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vouloir aller trop vite, vouloir tout, tout de suite. À vouloir être la première, j'ai fini par être la dernière. Ça fait longtemps que j'attends que ma vie. Je retourne sur mes pas, je retourne toute seule chez moi. J'ai gradué au statut d'adolescente. Comment ça? Faudrait que j'enfante. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une charpente. Vouloir aller trop vite, vouloir tout, tout de suite. À vouloir être la première, j'ai fini par être la dernière. Ça fait longtemps que j'attends que ma vie. Échelle. Pour présenter son nouveau projet, Claire Gimat est en solo voix, clavier, machine ou en trio avec deux musiciennes, une batteuse et une violoncelliste. La voici, Claire Gimat avec Dali. Il n'y a pas d'arbre dans ma cour, ni de sourire sur le palier. Il y a un chien apprivoisé, assis sur un rayon de jour. Je contemple sans regret, enfermé du haut de ma tour. C'est ce soir que pour toujours... Hey! Je m'en vais, oh, je saute dans le tableau de Dali, là où les éléphants sont les reflets des seigneurs. Hey. Califourchon sur le dos de l'aigle au-dessus des eaux. Je respire l'odeur de la mer, de l'écume, l'orage de l'air. Ses plumes caressent mes doigts, mon corps qui frémit aux éclats. L'oiseau royal plonge, se déploie. Hey! Je m'en vais, oh, je saute dans le tableau de Dali. Sur un rocher brûlant, des géantes à tête de fleurs se prélassent, se prennent leur temps, nus. Dans la vapeur, je sens le sommeil qui me prend, je m'étends, me fiche de l'heure. Les géantes entonnent leur chant. Hey! Ah, et quelques pas de moi sur l'île, une bête immobile, dressée se lèche les babines, un félin tigré aux pupilles, qui me fige dans un réflexe de proie traquée, faible, fragile. Mais je m'élance vers le tigre. Hey! Je m'en vais, oh, je saute dans le tableau de Dali, là où les éléphants sont les reflets des signes. Je saute dans le tableau de Dali. Le rendez-vous des artistes indépendants. Le prochain album de Jeannette Berger sortira en 2022. En attendant, la voici avec I'm a Woman. Oh, oh, oh. on my face on a dark blue day, and I thought about it. If one day you leave, let me build a bridge for you and me. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le dernier album en date de Marc Evea, Insolite Solo, est sorti officiellement le 12 novembre dernier. En voici un extrait, le métier d'optimiste, un très beau métier. Si l'on avait un diplôme, il tomberait comme une pomme de l'arbre du jardin d'Éden où l'on se promène. Et de ville en ville, on fait notre boulot. On colle des rustines sur les cœurs qui prennent l'eau. C'est de l'orfèvrerie du travail d'artiste pas facile. Le métier d'optimiste, c'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile, le métier d'optimiste. On résout le problème de cet homme d'affaires qui ne sourit pas même quand il vend la terre entière. On soigne les ulcères du stress et du coffre qui cache ses billets verts avec ses moules à gaufres. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile, le métier d'optimiste. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile, le métier d'optimiste. On donne l'étincelle de la vie nouvelle à celui qui s'installe dans un quartier pas idéal. On devient l'analyste de ce tourmenté qui joue au jeu de piste avec la vérité. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile, le métier d'optimiste. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile. Nos sourires crispent les cibles, tous ces êtres très sensibles qui étouffent leurs sanglots en buvant du château Margaux. Derrière le beau décor, ils devinent ce qui se trame devant nous. Cette machination de machin, machine qui va nous à genoux. C'est pas facile, non. C'est dans l'enfermerie du travail d'artiste. C'est pas facile, non, non. Pas facile, le métier d'artiste. C'est dans l'enfermerie du travail d'artiste. C'est pas facile, non, non. Pas facile, tout le métier d'optimiste. On chasse la grisaille de celle qui rougit, qui ne se sent pas de taille d'avoir l'amour comme ami. On pose un peu de ciel sur le bleu de travail pour aimer l'essentiel sans détester les détails. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile, le métier d'optimiste. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Pas facile, le métier d'optimiste. Puis on remaquille cette jolie fille qui a tant souffert, là y a plus grand chose à faire. Lui dire qu'on sèche encore nos larmes de fond, mais qu'on se sent plus fort en vivant cette chanson. Ouh, en vivant cette chanson. Ouh, facile. Un diplôme, il tomberait comme une pomme de l'arbre du jardin d'Éden où l'on se promène. Et de ville en ville, on fait notre boulot. On colle des rustines sur les cœurs qui prennent l'eau. C'est de l'orfèvrerie, sur les cœurs qui prennent l'eau. Pas facile, pas facile, non, non, non, non. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. Du travail d'artiste. Pas facile, métier d'optimiste. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'artiste. C'est pas facile, non, non. Pas facile, métier d'optimiste. C'est de l'orfèvrerie, du travail d'optimiste. Pas facile, le métier d'artiste. Vous écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. C'est avec Merci pour rien que nous avons découvert les rappeurs en carton. Allez, voici avec Je cours. Je pense à tout ce que je dois faire. J'ai déjà oublié hier ce que j'ai mangé. À quoi bon se dépêcher si on sait pas par où passer. Le choix est gros d'aime, ça file trop la migraine. Mais faut que je garde garde le cap et que je gratte grave. Deux fois plus que je m'accable, deux fois moins y'a rien de grave. Tant qu'il y a l'amour, rien n'est vaste. Face à la montre, rien n'est face. Les traces d'usure, y'a des tas de gens qui m'ont dit faut que je les croie. Mais pour l'instant, on peut pas dire que c'est vraiment le cap. Ça fait tic-tac dans ma tête. Mais pour l'instant, on peut pas dire que j'ai vraiment le choix. Tous les matins, je me lève et je cours. Je vois le temps qui passe, j'essaie de trouver ma place. Les yeux rivés vers l'espace, le regard qui s'embrase. Il va falloir que je m'attache et que je fasse prototasse. Donc un tour de passe-passe, t'es vraiment efficace. Je vois le temps qui passe, passe. Les yeux rivés vers l'espace. Il va falloir que je m'attache. Donc un tour de passe-passe. Quand j'ai compris à quelle vitesse le temps passait, je me suis dit oh merde, j'ai déjà la trentaine. Y'a pas si longtemps, je passais mon temps à mettre des paniers. Maintenant c'est plus pareil, faut gérer les problèmes. Je me suis senti oppressé, je me suis vite empressé de me dépêcher, de surtout pas m'ennuyer, de surtout plus glandouiller et de plus jamais me lamenter. Y'a tellement de choses à trouver et de surtout en profiter. pour l'instant, on peut pas dire que c'est vraiment le cas. Ça fait tic-tac dans ma tête. Mais pour l'instant, on peut pas dire que j'ai vraiment le choix. Tous les matins, je me lève et je cours. Je cours, je cours, je crois que je suis à la bourre. Donc je cours encore et je tourne en rond. On fait la même chose tous les jours. Je vois le temps qui passe, j'essaie de trouver ma place. Les yeux rivés vers l'espace, le regard qui s'embrasse. Il va falloir que je m'attache et que je fasse comme Totas. Aucun tour de passe-passe n'est vraiment efficace. Tic-tac dans ma tête. Ça fait tic-tac dans ma tête. Tic-tac dans ma tête. Ça fait tic-tac dans ma tête. Je vois le temps qui passe, j'essaie de trouver ma place. Les yeux rivés vers l'espace, le regard qui s'embrasse. Il va falloir que je m'attache et que je fasse comme Totas. Aucun tour de passe-passe. La courte échelle. Et voici Johanna Saint-Pierre avec Freedom from Politician. Échelle. Chaque semaine, la courte échelle vous fait découvrir des artistes de la scène indépendante. Certains les appellent les artistes émergents. Vous les avez sans doute découverts également ici. El Malek Brother, les voici avec un nouveau titre, ça s'appelle La Défense. La Défense sous le ciel est de verre, tour et détour du ciel. Rythme en quatre temps binaire.

Le rendez-vous des artistes indépendants.